Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans le cours précédent, nous avons étudié la réplique de Khalid dans laquelle il interrogeait Mohammed sur son lieu de résidence en lui demandant « Aïna taskun ?» Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la réponse de Mohammed. Askunu fil mahjari thamin. Dans sa réponse, Mohammed indique donc son lieu de résidence à l'aide d'une phrase composée de quatre termes. Elle commence par le verbe askunu, conjugué à la première personne du singulier au temps de l'inaccompli, et qui signifie j'habite ou je réside. Elle est suivie de la particule fi, que nous avons déjà rencontrée dans le dialogue précédent, et dont la fonction principale est d'indiquer la position à la manière des prépositions « à »,« dans » ou « en » selon le contexte. On trouve ensuite le nom « al-mahjari » qui désigne un endroit où on dort la nuit et qui, dans le contexte de ce dialogue, signifie « le dortoir », suivi du nom « al-thamin » qui correspond au nombre ordinal huitième en français. Prise dans son ensemble, la réponse de Mohammed signifie donc « j'habite dans le huitième dortoir » car comme nous allons le voir dans la suite de ce cours, l'adjectif qualificatif est toujours placé après le nom qu'il qualifie en arabe littéraire. Dans cette phrase, notons au passage que comme pour la conjugaison « taskunu » présente dans la question de Khalid, le verbe « askunu » est indiqué sans le pronom personnel « ana » qui correspond à « je » en français, car les formes conjuguées des verbes en arabe littéraire sont pour la plupart suffisamment explicites pour ne pas nécessiter l'emploi d'un pronom personnel. Sur le modèle de la réponse de Mohammed, vous pouvez donc maintenant composer vos propres phrases et indiquer le lieu dans lequel vous habitez en disant par exemple « Askunu fi Marsilia »« J'habite à Marseille »« Askunu fi Sinirali »« J'habite au Sénégal » »« Askunu fi Belgica » »« J'habite en Belgique » Du point de vue de la déclinaison, la présence de la particule « fi » qui fait partie de la catégorie des prépositions « huruf ul-jar » implique la déclinaison au cas indirect du nom « al-mahjari » qui la suit et le marquage de sa terminaison par la voyelle « kasra ». Le nom « al-mahjari » est ensuite suivi du nom « al-thamini » qui occupe la fonction d'adjectif qualificatif appelé en arabe « al-naht » ou parfois « al-sifa » qu'on emploie pour identifier le nom qui le précède en indiquant l'une de ses caractéristiques. Dans cette phrase, le nom « al-thamin » permet donc à Mohammed d'indiquer qu'il habite précisément « fil mahjari thamini », c'est-à-dire dans le huitième dortoir. En arabe littéraire, l'emploi de l'adjectif qualificatif « al-naht » implique cependant de respecter un certain nombre de règles grammaticales que nous aborderons au fur et à mesure de notre étude des dialogues de ce manuel. Dans le contexte de la réponse de Mohammed, nous nous contenterons aujourd'hui d'apprendre à respecter les deux règles suivantes. Premièrement, l'adjectif qualificatif, an-naht, se place toujours après le nom qu'il qualifie, appelé en arabe al-man'out. Deuxièmement, l'adjectif qualificatif s'accorde en déclinaison avec le nom qu'il qualifie. Par conséquent, lorsque le nom qualifié occupe une fonction qui implique sa déclinaison au cas régulier, l'adjectif qui le qualifie devra lui aussi être décliné au cas régulier. Pour dire « le huitième dortoir », on dira donc simplement « al-mahjaru thaminu ». En revanche, lorsque le nom qualifié occupe une fonction ou une position qui implique sa déclinaison au cas indirect, « al-jar », l'adjectif qui le qualifie devra lui aussi être décliné au cas indirect. Pour dire « dans le huitième dortoir », on devra donc dire « fil mahjari thamini ». Voilà pour aujourd'hui, ce 14e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, très prochainement avec le 15e mini-cours, dans lequel nous continuerons l'étude des répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.